Alors, dans la deuxième partie, pour faire suite à toute l'atmosphère de la croyance qu'on a parlé dans la première partie, le sujet, c'est le dépassement du vide. Souvent, les gens s'accrochent à des croyances pour éviter d'être placés dans des états d'âme, de vide, des sensations de vide. Comment qu'on en arrive à pouvoir se vivre quotidiennement dans un état de non-pensée, comme vous semblez vivre avec la fusion, qui nous donne ni plus ni moins accès à un état de vide ou à une conscience d'un vide quelconque. Ça semble être très menaçant pour l'ego, le phénomène du vide. Votre question, elle me fait penser un petit peu à un exégète français qui voulait écrire un livre sur le silence. Puis, un grand bonhomme. Un homme bien, grand sensible. Puis, je disais, ça n'existe pas le silence. Le vide, c'est un petit peu la même chose. Quand les gens pensent ou parlent du vide, ils parlent d'une absence de quelque chose, soit une absence de pensée ou une absence de conscience émotive. Mais dans le fond, la conscience, c'est toujours présent. Fait que, dire qu'on est dans le vide, on utilise l'expression du vide pour créer dans l'homme l'image d'un déplacement de pollution de son esprit. Mais dans le fond, il n'y a pas de vide. C'est toujours plein, ça. C'est toujours rempli, ça. La conscience, c'est permanent, c'est toujours là. Puis la preuve, c'est que si tu vas prendre d'air, tu leur parles, ils te répondent. Fait que, il est où le vide? C'est comme si nous autres, on était ici, là, puis supposons qu'on ne parle pas deux minutes, là, une seconde, 50 secondes. Les gens pourraient dire qu'il y a du vide entre nous autres, mais dans le fond, il n'y aura pas de vide, on se regarde. Je regarde ta barbe, je regarde tes cheveux, je regarde tes bottines. Il se passe quelque chose. Fait que la conscience, c'est toujours vivant, c'est toujours présent. Fait que le concept du vide, pour moi, c'est un concept spirituel qui fait partie du besoin de l'homme de rechercher une absence de saturation psychologique de son ego. Mm-hmm. C'est pour ça que les gens parlent du vide. La même chose, les gens parlent de la recherche du silence. Mais quand tu es conscient ou quand tu as conscience avec le plan mental, tu cherches pas le silence. Il te fiche la paix pendant un certain temps, puis tu te reposes, puis il te reparle, puis tu reconnectes. Fait que, pour moi, le vide puis le silence, ce sont des constats psychologiques par rapport à des états intérieurs que l'homme recherche parce que, justement, il y a trop d'activité mentale, il y a trop d'activité cérébrale, donc il ne se repose pas. Puis, pour se reposer, ben, il cherche ce qu'on appelle le vide. Pour moi, le vide, c'est une conception philosophique, c'est une conception psychologique que l'ego se crée pour atteindre ce qu'il appelle lui un état de conscience, alors que la conscience, c'est toujours permanent. Si je vois intérieurement et je dis comment ça va, ça me répond, ça va très bien. Mm-hmm. Fait que, il est où le vide? Ben, probablement, Bernard, que les gens parlent du vide quand ils sont, exemple, dans une perte d'emploi, puis ils disent, là, je suis dans le vide, là, j'ai plus d'emploi. Puis la condition du vide est... C'est pas dans le vide, ça est dans la merde. C'est pas pareil. Ça, c'est un faux plein, tu sais. Une perte d'emploi, c'est pas le vide. Ce que je veux dire, c'est que la perception que les gens ont du vide, ou quand on parle de dépassement du vide, c'est qu'on parle d'un vide dans le sens que l'individu n'a plus de point de repère, ou n'a plus accès à sa connaissance, ou ne peut plus donner... Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est une interprétation psychologique, parce que dans le vide, dans le fond, t'as énormément de repères. S'il y a une place que t'as des repères, c'est bien dans le vide. Quand t'es dans le vide, t'es lucide, t'as accès à de l'information, t'as pas d'émotion là-dedans, le mental est clair, il est lucide. Fait que dans le vide, t'as énormément de repères. Le concept, pour moi, le concept du vide, c'est un concept qui est utile spirituellement, mais qui est pas ultimement réel pour l'homme. Je vous donne un exemple. On prend une personne dans la salle, on l'amène en avant, puis on lui demande de parler pendant une demi-heure. Pour elle, qui n'est pas prête à le faire, dans le sens qu'elle ne s'est pas préparée, c'est vivre une expérience de vide. Oui, mais c'est pas un vide, ça. C'est une retenue d'énergie. C'est parce qu'elle est constipée. C'est une retenue d'énergie, ça. N'importe qui peut venir ici et parler. C'est ces émotions qui vont bloquer l'énergie, puis ils appellent ça le vide. OK, donc le vide est simplement une condition de blocage. Ce que la personne appelle le vide, c'est une condition de blocage, mais c'est pas le vide. Dans le vide, tu parles. Moi, je suis dans le vide, là, mais je parle. Je me remplis. Je vous remplis. Puis les gens qui... Puis les gens qui vivent l'impression d'être plein, mais pas dans le sens que vous, vous le dites, être plein, parti de votre vide, ils sont pleins de quoi? Mais là, dites-les pas, là, comme je sais que vous allez le dire. C'est plus fort que vous, cher. Un autre mot. Ils vont être pleins, ils peuvent être pleins d'eux-mêmes, ils peuvent être pleins de leurs illusions, ils peuvent être pleins de leur personnalité. C'est un plein. Ça peut être un faux plein, ça peut être un plein illusoire. Avec le temps, ça s'ajuste, ça devient un plein plus réel. Bon, mais comment qu'un être humain peut se débarrasser de ce plein-là? Oh, mais la transmutation de ses énergies, ça l'amène à se débarrasser de ce plein-là, de ce faux plein-là. Bon, ce faux plein-là, pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est leur plein. Ah ben oui, évidemment, ce faux plein-là, pour beaucoup de gens, c'est leur plein, mais c'est avec ça qu'ils se plaignent aussi. Si tu te plains de ton plein, tu sais, c'est pas un plein réel. C'est un glad bag, c'est un glad bag, hein? Ouais, ouais. I'm so glad. La différence, Bernard, entre le plein du vide qu'on parle et puis le plein de soi-même ou des illusions, c'est évident que c'est majeur comme différence, là. Mais comment qu'on peut prendre conscience qu'en se débarrassant de notre plein de personnalité, on va être plus plein? Comment ça peut se produire, ça, ce transfert-là, dans la nouvelle conscience d'être rempli d'une énergie qui finalement est totalement vibratoire? Il faut qu'il y ait une transmutation de ces énergies-là. Faux plein de l'homme, le plein de l'homme évolutif, par exemple, mais au cours de son évolution, c'est transmuté ces énergies-là. Tout ce qui est mis en vibration au niveau de la pensée, tout ce qui est mis en vibration au niveau de l'émotion, qui fait partie de la personnalité, de la substance de la personnalité. Au fur et à mesure où l'homme se conscientise, c'est transmuté. Donc, avec le temps, ce qui était le faux plein puis qui était nécessaire devient un autre plein plus réel qui, là, devient vital. Les gens qui se conscientisent, là, puis qui regardent 10 ans en arrière, là, ils voient que, vu 10 ans en arrière, ils pensaient telle affaire, puis là, ils sont rendus 10 ans en avant, puis ils voient d'une autre façon. Fait que 10 ans en arrière, ce faux plein-là, il fallait qu'il soit transmuté. Ils ont vécu des expériences, puis ils ont grandi lentement. Puis aujourd'hui, ils savent des choses, puis ils comprennent des choses au niveau de leur nouveau plein, si vous voulez, qui est totalement différent de ce qu'il y avait avant. Mais ça a été une progression graduelle, ça a été le produit d'une transmutation lente. Puis aujourd'hui, ils se retrouvent à un niveau de conscience ou avec un niveau de conscience qui est beaucoup plus approprié à leurs besoins. Ce qui était besoin ou désir, vous le disiez, aujourd'hui, ça devient plus besoin réel, vital. L'homme la sent, la différence. Donc, il se sent plus conscient, il se sent plus dans sa peau, Probablement, la grande mesure de ce qu'on appelle de la conscience, c'est d'être bien dans sa peau. C'est ça la mesure simple. OK. Tandis que dans l'autre plein, c'est comme... Il était heureux. Puis le lendemain, il était malheureux. Puis après, il était heureux, il était malheureux. Okay. Il s'enrichissait, puis il perdait. Puis il s'enrichissait, puis il perdait. Il avance, circule. L'homme inconscient avance, circule. Tandis que l'homme conscient, il avance, puis il avance. Puis avance, il recule pas. Détruire un système de valeurs, là, est-ce qu'un individu peut vouloir faire ça volontairement? T'sais, pour avoir une personnalité plus dégagée, est-ce qu'on peut s'attaquer à un système de valeurs? Non, c'est une illusion. C'est une illusion spirituelle, ça peut être une illusion très dangereuse aussi, parce que ça peut mener à du fanatisme. Il ne s'agit pas pour l'homme de détruire un système de valeurs, il s'agit de regarder les valeurs qui lui ont été imposées par la socialisation de son être, par la culture, par le conditionnement, puis voir au fur et à mesure où ces valeurs-là ne sont plus suffisantes pour lui. Puis à ce moment-là, il commence à les regarder, puis il commence à s'ajuster, puis finalement, il a transmuté l'énergie émotive, intellectuelle de ces valeurs-là, rattachée à ces valeurs-là, donc il se dégage de l'égrégore de ces valeurs-là, et là, il rentre dans sa conscience, il rentre dans ses valeurs, parce que quand t'es conscient, t'as pas de valeur, t'es simplement créatif. Mais quand tu es inconscient, tu as des valeurs parce que tu as besoin pour appuyer ton inconscience, pour donner à ta personnalité, à ton ego une certaine substance, une certaine densité, tu as besoin des valeurs. Ce qui est très bon pendant l'évolution, c'est important que l'homme inconscient ait des valeurs. C'est ce que le rôle de la civilisation. Mais quand tu te conscientises, tu n'as plus besoin des valeurs techniquement dans le sens de l'involution. Tu es créatif, tu sais qu'est-ce que c'est la paix, tu sais qu'est-ce que c'est le respect, tu sais qu'est-ce que c'est aimer, tu sais qu'est-ce que c'est rendre à l'autre ce qui est dû. Il y a des valeurs évolutives qui sont très polarisées, comme l'honnêteté et la malhonnêteté, qui font plus partie de ta conscience. Un homme qui est conscient, il n'a pas à traiter avec la valeur de la malhonnêteté et de l'honnêteté. Il n'y a pas à traiter avec la valeur de la charité puis de la non-charité, ou de l'orgueil ou de l'humilité. Ces valeurs-là sont polarisées. Ça fait partie de l'astral, de l'ego. Ça fait partie des mouvements de l'âme à travers l'ego. Tandis que l'homme, quand il est conscient, point final, c'est créatif. Si tu es créatif, voler, non. Si tu es créatif, tuer, non. Si tu es créatif, mentir, non. Fait que c'est plus une affaire de valeur. C'est une affaire d'équilibre dans le jeu. C'est une affaire d'intelligence. Moi, probablement, si quelqu'un me posait une question où j'aurais à pas y donner la réponse pour son équilibre psychique, je retiendrais l'information. Il y a bien des gens qui me demandent des fois. Il y a bien des gens, des fois, qui vont me dire, bon, mais ben, quand est-ce que je vais me marier ou quand est-ce que je vais avoir un job ou quand est-ce. Puis je ne réponds jamais à ça. Je réponds jamais à ça. Jamais je vais dire à une personne, mais tu vas un job dans 6 mois ou. À moins que j'ai des raisons spécifiques pour le faire. Il faut qu'il y ait un enseignement connecté à ça. C'est la personne qui pose mal la question en ce moment-là. C'est toujours la personne qui pose mal la question. C'est la personne. Si elle pose mal la question, elle la pose avec son ego. Si elle pose la question avec son mental, mais à ce moment-là, il y a une chance d'avoir une réponse plus précise. Ça fait que le concept des valeurs pour un homme conscient, ou l'idée des valeurs pour un homme conscient, ça change. Puis lorsque l'homme sera très, très conscient, l'homme n'aura plus de valeur. Mm-hmm. Il va être simplement créatif. Donc, à ce moment-là, on le regardera, on va dire, ben, lui, il vole pas, ou lui, il fait pas ci, ou lui, il fait pas ça, parce que il est conscient. C'est comme moi, j'irai pas à la chasse demain matin pour tuer un animal. Non pas parce que c'est pas bon, non pas parce que c'est immoral, ou non pas pour des raisons de valeur que l'homme dans la société se donne, mais parce que ça serait pour moi une souffrance. Fait que tu es un chevreuil, pour moi c'est une souffrance. Rien qu'à me regarder dans l'œil, c'est fini. Fait qu'à ce moment-là, c'est la raison pour que... Donc c'est ma conscience qui m'empêche de tuer un animal. Mais je le fais pas pour des valeurs. Mais si le chevreuil voulait me manger, là, il faut bien le tuer. Comment tu veux dire? Ouais, je comprends. Tu m'as dit, reste dans ton territoire, viens pas me manger. Mais si tu veux me manger, il m'a tué. Parce que là, c'était l'affaire, c'était un rapport de force. Fait que c'est. Tandis qu'un homme, c'est comme il y a des gens, des hommes dans la construction, là, des hommes forts qui vont à la chasse, puis ils vont dans les camps dans le nord du Québec, puis ils vont se reposer un peu, se dilater un petit peu l'esprit là, après 6 mois, 7 mois de travail difficile. C'est très bon pour eux autres dans leurs conditions de la chasse. On peut pas. Ça, c'est intéressant. On ne peut pas donner à l'être humain une règle morale pour ses actions. Ça, c'est de la superimposition. Mm-hmm. Ça, c'est le rôle des philosophies, c'est le rôle des idéologies, puis on a été conditionné à ça. Puis il y a des aspects de ça positifs qui sortent, comme il y a des aspects négatifs. Mais le gars, il va à la chasse, puis il relaxe. Bon, ça fait partie de ça. Il y a les buffers, il y a les corps pour le prendre, le choc, regarder l'animal dans l'œil, puis le voir tomber. Il y a un plaisir là-dedans, puis il va pas à chasse pour tuer les animaux à gauche, pas à droite. Il va à telle date, puis il respecte les lois du gouvernement, ainsi de suite. Fait que c'est merveilleux. Mais amène-les, cet homme-là, à une conscience, à une sensibilité de ses corps subtils. Il pourra pas aller à la chasse. Moi, j'en connais bien des gens qui sont conscientisés au cours des années, puis sont plus capables d'aller à la chasse, pas parce que c'est immoral ou pour des raisons idéologiques, mais parce que ça, pour eux autres, ça deviendrait une souffrance. Ouais, ouais. Bernard, on parle souvent dans le développement de la conscience, on parle souvent d'entité puis de force de lumière. Est-ce que le plein de l'individu qui est dans la personnalité, qui est dans les illusions, est-ce que c'est complètement sous la domination de force entité, de force astrale? et que l'autre vide là, qu'on parle, qui est le vide plein là, dont on parle, ça c'est complètement sous les forces de la lumière. Intéressant. Il y a deux sortes de plein. Il y a le plein qui est fait de pensée planétaire. Mm-hmm. Ce que j'appelle une pensée planétaire, là, c'est une pensée dont la substance, la dénomination, la fonction, la puissance, la vibration n'est pas sous le contrôle de l'homme. Autrement dit, que vous pensez quelque chose, là, dans le sens que vous pensez, ou que vous recevez une communication du plan astral, qui devient encore une pensée, ou que vous recevez une communication du plan mental, qui devient encore de la pensée, mais à un autre niveau. Ce que l'homme vit dans son mental, ça ne doit pas être une invasion territoriale de son psychisme. OK. Aussitôt qu'une pensée est une invasion, viole votre psychisme. Je vous donne un exemple. Disons un jeune homme de 17 ans qui aurait la pensée, pour une raison ou une autre, parce que son prof à l'école, il dit, bon ben, t'es bien sans dessin, puis il s'en va chez eux, puis le gars, il a la pensée qui est sans dessin. Je suis sans dessin. Bon ben, ça, c'est de l'invasion de son territoire. Il n'y a, okay. Il y a pas une communication qui vient du mental supérieur ou de la lumière qui aurait cette définition-là. La lumière ne peut pas dire à l'homme, t'es sans dessin. Mm-hmm. L'astral, oui. Mais la lumière ne peut pas parler de même. Parce que c'est destructif, c'est anti-lumière, c'est de la pollution. La lumière, c'est pas de la pollution. Donc, quand la pensée est polluante, parce qu'elle fait partie des égrégores connectés aux émotions puis au make-up de l'homme, à ce moment-là, l'homme est dans une situation de conscience expérientielle. Fait que s'il arrive pas à la maison un petit gars, ou s'il arrive à la maison un petit gars, puis son père, il dit, bon, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Puis le petit gars, il dit, bon, ben, le prof m'a traité de niaiseux parce que j'ai manqué mon test de mathématiques. Puis le père, il est pas capable de neutraliser la vibration de cette pensée-là dans son mental au petit gars, ce qui fait partie de son rôle, de son éducation. À ce moment-là, le petit gars, ben, il va continuer. Puis la première chose, tu sais, ben, dans quelques années, ben, ça, il va vivre réellement dans sa personnalité, c'est-à-dire qu'il va vivre réellement en dehors de sa lumière. Moi, c'est comme ma fille. Ma fille, je l'ai supportée pendant des années. Quand c'était intelligent. Fait que je donnais le backup. Quand je disais c'était intelligent. Fait que va-t'en avec ça. Quand je disais c'est pas intelligent, mais je disais regarde ça, c'est pas encore intelligent. C'est en ajustement. Fait qu'aujourd'hui, à 21 ans, elle est dans son identité. Bon, mais ça, c'est notre rôle en tant que parent. Le rôle des aides. Dans le rôle formateur des aides par rapport à une humanité ou à une civilisation, c'est d'amener l'homme à reconnaître que des pensées qui font partie techniquement de la conscience de son ego planétaire, ces pensées-là, faut qu'elles soient un jour sous son contrôle. Moi, si j'avais une pensée dans ma tête que j'étais sans dessin, à cause de ce que je sais, je serais capable de combattre la pensée. D'abord, je sais que je connais les mondes invisibles, je serais capable d'aller dans le plan, je serais capable de rencontrer l'entité dans le plan, je serais capable de la brûler, l'entité dans le plan. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait qu'éventuellement, ils ont le message, puis ils te laissent en paix. Tandis que l'homme, c'est pas ça, lui. Mm-hmm. Fait que l'homme, lui, il a des pensées, à gauche, à droite. Il connaît pas les lois occultes du mental. Ça fait pas partie de la psychologie de l'évolution. Puis lui, ben, automatiquement, il vit la pensée d'une façon subjective. Puis en plus de ça, il y a son prof qui tombe sur le dos, le bonhomme à la maison, la mère, la belle-mère. Tu sais, fait que qu'est-ce que t'arrives à 40 ans, 35 ans, 30 ans, quand tu t'es fait confirmer que ce que tu pensais, dans le fond, ce qui t'était envoyé, que t'es de même, t'es fait à l'os. Fait qu'après ça, le gars, il rencontre un moineau comme moi, qui renverse tout ça, c'est évident que le monde a des chocs. Mais c'est là que ça se fait à prise de conscience. Mais quelque part dans le temps, faut que quelqu'un le fasse. Faut que quelqu'un dise, c'est pas de même ça se passe, c'est de même ça se passe. Maintenant, c'est difficile des fois de voir qu'on est manipulé par une entité. Mais c'est-tu plus facile de voir dans une agression par une personne qu'elle est, elle, en train de se faire manipuler par une entité puis qu'elle essaie des fois même de nous manipuler à travers le fait qu'elle est, même, elle est elle-même manipulée avec une entité. Intéressant votre question. Quand vous êtes manipulé par l'entité d'une personne, quand une personne a une entité, puis elle vous manipule. C'est ça. Si vous vous laissez manipuler, c'est votre entité qui vous manipule. Ah, ouais. Autrement dit, si vous, vous aviez une entité qui voudrait me manipuler, elle serait faite à l'os. Parce que je ne me laisserais pas manipuler. Non, vous... J'explique le principe. Tandis que l'homme, lui, il a une entité qui le manipule, l'autre, il a une entité qui le manipule. Fait que tu as deux entités ensemble qui jouent, puis c'est nous autres, c'est les yo-yo. Mais ils sont de connivence. Ils sont de connivence. C'est pas tellement qu'ils sont de connivence, c'est qu'ils sont dans des plans subtils, où, en fonction des registres de l'âme, sont obligés de travailler d'une certaine façon. Ce qu'on appelle une entité, c'est une mémoire qui est capable de, d'enregistrer très, très facilement sa volonté dans un corps subtil qu'on appelle le corps astral. C'est ça, Tigui? Es-tu là, Tigui? Es-tu parti? Ah, OK. Tu comprends? C'est ça, une entité. Fait que, puis on, ce qu'on réalise pas, c'est que premièrement, le phénomène de la pensée n'a jamais été étudié par l'homme. Moi, j'ai écrit un livre pour les Américains là, sur l'astral de l'Amérique, puis tout, là. Ça leur a donné un choc abominable à New York. Ils en sont pas revenus. Ils sont pas prêts. Pourtant, c'est un peuple évolué, t'sais? Mais ils sont spirituels. Puis ils veulent lire un livre, puis ils veulent savoir qu'est-ce que c'est la valeur du livre quand tu vas l'avoir acheté, puis tu vas l'amener. Il y a une méthode là-dedans? Une recette. Une recette. Fait que l'homme, l'étude de la pensée n'a jamais été faite. Comment est-ce que tu veux étudier le phénomène de la pensée quand tu penses que tu penses? Explique. C'est parce que le point de départ est difficile à situer. Le point de départ est difficile à situer, puis le point de départ est nowhere. Ouais. Fait qu'il faut que quelqu'un dise, bon, écoute, le bonhomme, tu penses que tu penses, là, tu penses que t'es intelligent, là, bon, ben, additionne donc 1 plus 1. Fait que t'essayes, t'es pas capable. Là, il dit, fallait, là, t'es capable. Fait que tu commences à comprendre. Ouais. À partir de cette expérience-là, là, tu peux commencer à regarder qu'est-ce que c'est qui se passe, qu'est-ce que c'est le phénomène de la pensée. Fait que quand c'est de la connerie, tu dis, wow, ajuste-toi en haut, là, je comprends la game. Mais quand tu connais pas la game de la pensée, qui est probablement le plus grand mystère de l'homme sur la Terre, t'es fait à l'os. Puis après ça, le monde, ils veulent étudier les lois occultes, ils veulent comprendre qu'est-ce que c'est la mort, le cosmos, les éternels, les immortels. Puis le gars, il est même pas capable d'y aller avec ses pensées puis travailler chez Eton. C'est pour ça que j'ai ça, les ésotéristes. Pas parce que c'est pas intéressant, les connaissances, puis parler de ces affaires-là, mais parce que l'homme n'est même pas équipé psychologiquement et psychiquement pour traiter avec sa femme, ses enfants, sa job. Le basic psychology, là, le basic. Là, comment est-ce que tu fonctionnes en tant qu'individu dans une société qui devient de plus en plus complexe? Puis là, le gars, il veut savoir qu'est-ce que c'est des nébuleuses, qu'est-ce que c'est le trou noir, qu'est-ce que c'est des entités, qu'est-ce que c'est des éternels, puis qu'est-ce que c'est whatever. Qu'est-ce que c'est des ajusteurs de pensée, qu'est-ce que ça mange en hiver, de quel monde qui vient. Puis le gars, il est même pas capable d'y aller avec sa petite vie de tous les jours parce qu'il sait pas que la pensée, c'est de la pollution, puis que c'est utilisé par le plan astral pour, parce que ça fait partie de l'expérience de l'âme. Il y a des gars, il y a du monde, des milliards d'individus sur la Terre qui ont des entités l'autre bord, qui ont des liens karmiques avec eux autres. Ici. Tu sais, quand tu dis que tu as une entité qui a un lien karmique avec toi, Tu peux avoir tué un homme, c'est lui quand il a rendu l'autre bord qui devient ton contact. Tu sais, veux dire, il va-tu t'aimer? You know what I mean? Dépend qu'est-ce qu'il te fait faire. Fait que, mais jusqu'à quel point, Bernard, les entités sont de connivence ensemble par rapport à deux individus ou plusieurs individus? Ça dépend. Il y a des entités, qui sont de connivence ensemble. Il y a des clubs là-bas, tu sais. Ils peuvent se mettre en groupe 4, 5, 6, 7, 10. Mente-tu ça, Tigui? Hein, Tigui, les entités sont capables de se mettre ensemble pour former des... Tu comprends rien? Tu comprends rien? Quand les entités sont capables de se mettre ensemble comme nous autres à la table pour réellement des groupes, là, pour se mettre totalement contre un individu puis contrôler son mental. Fait que c'est quelque chose. Ceux qui prennent de la drogue, entre autres, ça. Bah, ben, vous prenez de la drogue, mais vous ouvrez les salles. À des clubs comme ça. À des clubs comme ça. Mais quand une personne... Je reviens au fait qu'il y a des gens, des fois, qui ont des comportements bizarres face à nous, là, puis qui sont vraiment destructifs ou qui sont vraiment « too much », comme on dit. Là. Est-ce que, si on sait que c'est pas nous autres qui pensent, puis que les gens sont manipulés par la pensée, est-ce que c'est plus facile de voir dans un individu qui est possédé, de voir l'astral, l'entité? Ah, ben c'est évident! C'est évident parce qu'à ce moment-là, t'es capable de vibrer à la, t'es capable de vibrer à l'entité. T'es capable de voir son jeu. Mais si t'es pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, comment est-ce que tu veux vibrer à cette énergie-là? T'es pas capable, tu le vois pas. T'es tout pris dans la personnalité du gars. Là. C'est le gars que tu vois. Là. C'est pas en arrière que tu vois là. Parce que la personne est comme dans une sorte de terre. Elle m'a dit une chose, tu écoute bien ça, Tigui. Elle m'a dit une chose, c'est intéressant. Si on le développe à un autre niveau, une entité, au niveau de l'astral, une entité, c'est une forme d'énergie qui a deux mémoires. Une mémoire est directement connectée à la conscience cellulaire de l'homme quand il était dans la matière expérientielle, puis l'autre mémoire, elle fait partie de sa conscience cosmique quand il était sur une planète avancée avant l'incarnation dans le temps moronciel. C'est intéressant. Pour moi. Ça veut dire que quand tu parles d'une entité, tu parles jamais de un temps, tu parles toujours de deux temps. Puis ça, c'est intéressant. Si tu parles de deux temps, puis sais-tu que c'est... Hey, Tiki, écoute bien ça. Ce qu'on appelle le monde spirituel, c'est la création dans l'astral par des entités qui sont dans deux temps. Un temps qui a appartenu à la Terre et un temps qui a appartenu à la conscience universelle sur d'autres planètes. Puis le mot spirituel dans la science des mots, dans la science des vibrations, ça veut dire un monde qui est assis, qui est formé de deux parties. Un monde spirituel, c'est toujours formé de deux parties. C'est formé d'une partie qui est cosmique, universelle, ce qu'on appellerait le haut spirituel, puis il est formé d'une partie de basse vibration qui est planétaire. Mais le problème, c'est que l'homme ne sait pas que à partir du moment où un monde est formé à la fois du cosmique et du planétaire, dans l'astral, à partir du moment où un monde est fait d'énergie cosmique et d'énergie planétaire, mais dans l'astral, à cause du mémoriel, ce monde-là est régi par les forces évolutives. Es-tu d'accord? Oui. C'est intéressant. Autrement dit, là, j'ai pas de crayon, là. Oubliez la Terre. Si on regarde rien que le monde spirituel, là, La trappe, l'illusion du monde spirituel, c'est qu'il y a une partie de ce monde-là qui est faite d'énergie qui vient du cosmos, OK? De civilisations ou de mondes très avancés, de planètes très avancées, puis il y a une partie qui est faite d'énergie qui vient de l'expérience de la Terre. C'est pour ça que je compte ce qu'on appelle la conscience spirituelle. Pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais parce qu'elle est faite de deux choses. Et une conscience ne doit pas être spirituelle, une conscience doit être universelle. Universelle, ça veut dire qu'elle est capable de comprendre la fonction de la conscience spirituelle et elle est capable de comprendre la fonction de la conscience planétaire. Si t'es pas capable de comprendre la fonction du spirituel, t'es pas capable de comprendre la fonction du planétaire, à ce moment-là, c'est le spirituel qui va prendre ascendance sur ta conscience, et automatiquement, l'homme dans son corps matériel, il va avoir tendance à laisser tomber le matériel, puis il va avoir tendance à s'en aller vers le spirituel, et c'est pour ça que les hommes spirituels sur la Terre n'ont jamais été capables de pouvoir imposer sur la Terre, dans leur civilisation, dans leur gouvernement, dans leur science, une lumière. Parce que ils sont faits de deux matières. Un être spirituel, il est fait de ces deux matières-là, qu'en soit conscient ou qu'en soit pas conscient. Tandis qu'un être qui est intégral, ou l'homme, quand l'homme sera intégral, il sera pas fait d'énergie spirituelle. Il sera pas fait d'énergie matérielle dans le sens au niveau de la mémoire de l'âme. Il va être fait simplement de lumière, mais il va être capable de composer avec celle-là et composer avec celle-là. Au niveau de celle-là, il va être capable de totalement neutraliser la fonction du sacré. dans sa conscience à lui. Mm-hmm. Et en fonction, au niveau de celle-là, il va être capable d'élever la fonction du matériel pour que l'homme sur la terre un jour cesse d'être dans la pauvreté, pour que l'homme soit dans l'abondance, pour que l'homme soit capable de matière avant la mort. Et cette dichotomie-là empêche l'homme d'avoir ce que j'appelle la capacité du vide. Mm-hmm. Ce qu'on appelle le vide. Moi, la raison que je pense pas, c'est pas parce que je suis spirituel. Mm-hmm. Pis c'est pas parce que j'ai une conscience astrale matérielle, dans le sens que j'ai des connexions avec des mémoires astrales de planètes. La raison que je pense pas, c'est parce que je suis pas capable de diviser ma conscience entre le bon ou le moins bon, le vrai, le faux, le fin, le pas fin, le sacré, le profane. C'est la seule raison pour laquelle je pense pas. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'appelle la pensée, que je dis qui est une forme de pollution, une atmosphère, pour moi, ça me sert pas. Fait qu'à ce moment-là, vous allez dire, ben comment est-ce que tu fais pour parler? Je feigne vibrer, puis contrôler mon propre rayon. Fait qu'à ce moment-là, si je regarde les mondes spirituels, dépendant à qui je parle, si je parle à Tigui Croteau des mondes spirituels, ben je vais y parler à son niveau parce qu'il y a une certaine conscience qui est capable d'aller chercher des subtilités. Si je parle à un autre homme, à une autre personne comme ma mère, ben je vais y parler au niveau de la religion catholique. Puis si je parle des mondes astro-matériels, dans le sens de l'expérience de l'âme, ce que vous appelez vos qualités, les qualités, les défauts, les tempéraments, ben à ce moment-là, je vais faire la même chose. Mais je vais toujours les étudier en fonction du contrôle que j'ai sur le rayon, au lieu des étudier en fonction de l'impression que le monde spirituel crée par la pensée dans mon mental ou que l'expérience de l'âme, ce que vous appelez vos personnalités, crée dans votre mental. Ça, d'accord, c'est gay? C'est ça la différence. Mmh. Puis éventuellement, l'homme, ça va faire partie, ça va être une seconde nature pour lui, l'homme, de fonctionner de même. Puis la raison pour laquelle c'est dur pour nous autres de pas penser ou de pas être affecté par nos pensées ou de pas être manipulé par des entités. Tigui va ses plans, il rencontre des entités, il a l'expérience. Mais les gens ont pas toute l'expérience de travailler avec des entités parce qu'on connaît pas les lois du mensonge cosmique. Puis vous allez dire, mais c'est quoi les lois du mensonge cosmique? Ben, parle, puis tu vois, plus on va parler, plus on va y connaître. Moi, je peux pas expliquer toutes les lois du mensonge cosmique. C'est l'homme, au fur et à mesure que l'homme va avancer, qui va dire, bon, ben ça fait partie des lois du mensonge cosmique, ça fait partie du loi des mensonges cosmiques. Mais quand l'homme va avoir parlé longtemps, écrit, parlé longtemps sur ce que j'appelle les lois des mondes spirituels puis les lois des plans astro-matériels, mais à ce moment-là, l'homme va avoir une science tellement avancée que rendu à ce point-là, ben il va avoir passé, élucidé, expliqué ce que j'appelle aujourd'hui les lois du mensonge cosmique. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ben l'homme, il va être dans une conscience universelle, puis quand il va regarder ces mondes-là qui font partie de l'esprit, qui font partie de son contact avec l'invisible, puis qui va vivre en même temps dans le matériel, mais il va pouvoir bénéficier de cette science-là et n'a plus être affligé par des mondes spirituels dont il ne connaissait pas les lois du mensonge cosmique et des mondes astro-expérientiels, autrement dit, des mémoires réincarnationnelles dont il ne connaît pas la provenance. Les gens qui s'en vont dans les élévateurs puis qui ont peur des élévateurs, pourquoi est-ce que tu as peur d'un élévateur? Les gens qui ont peur de tomber en bas d'un précipice, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de tomber en bas d'un précipice? Il y a des mémoires, là. Ces mémoires-là, j'appelle ça des mémoires astrales matérielles qui ont vécu dans l'ancien temps. Un gars qui a été jeté en bas d'un rochers par des Romains, c'est évident qu'il va avoir la mémoire de ça. Fait que dans une autre vie, il va avoir cette conscience-là. Ça fait partie des lois astrales, matérielles. Mais il n'y a pas que ceux-là, il y a les lois astro-spirituelles. Puis les lois astro-spirituelles, pour moi, c'est les plus dangereuses parce que c'est celles qui sont les plus proches du sacré. Puis c'est celles... Te rappelles-tu quand on s'est rencontrés il y a 20 des années, puis tu me disais, Bernard, c'est quoi le sud-mad? Puis la réponse, j'avais dit, c'est une phare. À partir de ça, c'est une phare. À partir de ça, lui, en tant qu'être de lumière, avec sa propre lumière, il était capable de rentrer dans sa propre recherche personnelle, dans sa propre étude personnelle, puis être totalement indépendant de moi, puis totalement capable, autonome, dans sa créativité, de finalement, non pas contester les sciences occultes, mais d'y regarder avec une objectivité qui fait partie de sa propre raison d'être. Mm-hmm. Bon, ben c'est ça que j'appelle Tigui Croteau. Les origines du sacré, ben là, vous semblez dire d'une certaine... Les origines du sacré, c'est très, très intéressant. Je vais rester debout, là, parce que... Les origines du sacré sont basées sur deux principes. Les origines... C'est nouveau, ça. Je devrais parler debout comme ça. Ah, ouais. Les les origines du sacré sont les origines du sacré. Écoute ça, Tigui, c'est intéressant. Les origines du sacré sont basées sur un blasphème originel. Un blasphème originel, c'est une lutte originelle par des magiciens des lumières astrales qui, dans le temps, ont voulu imposer dans le monde astral une volonté supérieure à celle de l'homme. Puis en imposant une volonté supérieure à celle de l'homme, ils ont créé un égrégore. Puis cet égrégore-là est devenu un égrégore du sacré. Puis ça, ça a été finalement l'emblème utilisé dans l'astral pour convaincre l'homme à travers le mécanisme des croyances que Dieu existait. C'est intéressant. OK? Ça, c'est le premier. Puis l'autre, c'est quoi la question? Les origines du sacré. Bon. Puis l'autre origine du sacré, c'est que l'origine du sacré, ça a été une volonté politique imposée par une certaine civilisation, il y a bien, bien longtemps, pour établir dans l'univers local un ordre hiérarchique de précédence spirituelle pour que des êtres spirituels plus évolués puissent se juxtaposer par rapport à d'autres êtres spirituels moins évolués afin de pouvoir éventuellement, sur la Terre, créer une religion. Parce que tu peux pas créer une religion comme tu crées une business. Une religion, c'est un processus créatif dans l'astral qui prend bien, bien longtemps et qui éventuellement permet à des êtres en relation hiérarchique de pouvoir créer dans la Terre, sur la Terre, dans l'expérience de l'homme, à travers le miroir de la pensée, des prises de conscience relativement égales puis relativement distinctes. Je t'explique. Un curé puis un cardinal, ils ont des prises de conscience relativement égales, mais ils ont des prises de conscience relativement distinctes. Un curé puis un cardinal, ils vont toujours, les deux vont croire en Dieu, les deux vont croire au Christ, les deux vont croire à la Vierge, mais les deux aussi, à cause de leur relativité distincte, peuvent avoir des perceptions bien différentes. Tu vas prendre, par exemple, un cardinal qui est très lettré ou un jésuite qui a étudié à Rome les sciences avancées, les sciences ésotériques, il va avoir des notions sur le sacré qui sont bien différentes du petit curé à Chicoutimi. Exact. OK? Bon. Fait que ça fait partie de la création du sacré, mais pour que ça puisse exister sur la Terre, il faut que ces miroitements soient créés dans les états de l'astral. Bon, mais dans les états de l'astral, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on y va, on rencontre du monde, des entités, des lumières. Parce qu'il y a une différence entre des entités et des lumières. Des entités, c'est des formes conscientes d'impressions créées par la lumière pour bouleverser l'âme à travers les impressions matérielles qu'il a de la vie spirituelle. OK? Fait que, tandis qu'une lumière, c'est simplement une présence universelle qui est uniforme dans le monde de l'astral. Quand tu vas dans l'astral, puis que tu composes avec le centre de l'âme, qui est la boule, l'affaire en or, la petite boule en or, puis tu rentres dedans, tout éclate, il reste plus rien, ta présence s'établit sur le plan où toi t'es situé hiérarchiquement. Fait que ces lois-là, on va les comprendre, ça va faire partie de notre conscience, mais c'est évident qu'au vu, à mesure où on va les comprendre, on va être obligé de faire un déplacement psychologique, puis on va être obligé de faire un déplacement psychique, puis dans la mesure où on va être capable de le faire, ben on va finir par être du monde qui a une grande sensibilité vibratoire comme Tiki, qui sont capables de comprendre les affaires instantanément, ou des gens comme moi qui sont capables de les parler instantanément. Mmh. Fait qu'à ce moment-là, ben quand du monde va pouvoir parler instantanément, puis du monde va pouvoir comprendre instantanément, ben à ce moment-là, on va être différent. Sans ça, ben, ça devient simplement de l'ésotérisme, ça devient des combats d'idéologie, ça devient des prises de conscience disciplinaires, ça devient des maîtres puis des disciples. Tu comprends? Il n'y a plus de conscience universelle là-dedans. Mm-hmm. Bon, go. L'accès, Bernard, à ces origines-là, quand les gens se spiritualisent, est-ce qu'ils ont l'espèce d'état de conscience d'avoir accès à quelque chose qui est hors de la planète? Quand les gens sont dans un processus spirituel, est-ce qu'ils, à cause de la relation avec les entités, commencent à sentir qu'ils ont accès à des origines qui sont à l'extérieur des mémoires planétaires? Je fais peut-être du bruit dans la cassette, là, si je pourrais avec ça. C'est ça, ouais. Ouais, je vais arrêter. Excusez, j'ai oublié. OK, qu'est-ce que tu dis, là? J'ai des gens qui font une démarche, qui ont une démarche vers une religion, qui font une étude spirituelle ésotérique. Est-ce que leur intérêt ou leur motivation, qui est lié un peu au phénomène du sacré que vous avez expliqué, est-ce que c'est le fait qu'ils sont en contact avec des entités ou des forces astrales qui ont accès à des origines de science ou de connaissances qui sont à l'extérieur des mémoires de la planète? Ça dépend des individus. Il y a des individus qui peuvent faire une démarche vers ou une recherche du spirituel à travers le principe universel que j'appelle le double. Puis il y a d'autres êtres qui vont faire des démarches spirituelles à travers des entités spirituelles qui sont dans l'astral. Ça dépend de leur niveau d'évolution. Mais ça va mener toujours à la même chose. Ça va mener quelque part au cours de l'évolution à une découverte de soi. Mais à une découverte de soi à des niveaux qui vont préférentialiser, c'est pas... Comment tu dis ça? Qu'est-ce que je veux dire? Qui vont privilégier l'individu au lieu du sacré. OK. Autrement dit, c'est plus... Pour l'homme aujourd'hui, c'est plus la recherche spirituelle ou l'étude spirituelle qui est importante. C'est le résultat éventuel de cette recherche-là. Que ça passe par une entité spirituelle astrale, que ça passe directement par le guide qui utilise des formes ou des idéologies sur le plan matériel à travers l'expérience. Ce qui est important maintenant ou ce qui va arriver maintenant ou dans le futur, c'est que l'homme va non seulement va faire une recherche spirituelle. La recherche spirituelle, ça va être simplement un alibi de sa source pour en arriver éventuellement à ce qu'il en arrive à une identité intégrale de sa conscience pour ensuite pouvoir regarder le monde spirituel ou le monde karmique planétaire de sa conscience puis en être totalement libre. Mm-hmm. Fait que ça n'a plus d'importance maintenant que l'homme fasse de la recherche spirituelle d'une façon ou d'une autre. Ce qui a de l'importance, c'est que l'homme, à cette heure que la conscience moroncielle existe sur la Terre, ce qui est important pour l'homme, c'est qu'il doit en arriver finalement à reprendre sur lui-même le contrôle de son rayon qui va lui permettre finalement de réellement comprendre la fonction historique, occulte, ésotérique du sacré, mais qui va l'amener encore bien plus loin que ça. C'est comme si tu fais une étude du Christ, le Christ ou le Nazaréen, c'est quoi le Nazaréen? Pour l'être humain évolutif, le Nazaréen, c'est un homme qui vient dans un certain temps. Pour un ésotériste, c'est une autre chose. Mais c'est quoi le Nazaréen? C'est à quoi cette lumière-là? C'est à l'homme de le savoir. C'est pas à moi dans le public de le dire. L'homme, puis parce que éventuellement, l'homme va traiter avec le sacré en fonction de sa propre compétence psychique. D'ailleurs, le but de l'évolution future, c'est d'être totalement psychiquement compétent. Fait qu'on est aujourd'hui psychologiquement incompétent. Comment veux-tu qu'on soit psychiquement compétent? Mm-hmm. On n'est même pas compétent à dealer avec les affaires de la Terre, connaître la politique de la Terre, connaître la science de la Terre. Comment veux-tu qu'on connaisse la science, la politique de l'invisible, ce qu'on appelle l'invisible? Puis un jour, d'ailleurs, on va découvrir que l'invisible, ça n'existe pas. Hein, tu sais? L'invisible, ça n'existe pas. C'est simplement un taux vibratoire différent que celui que le corps astral a pour donner à la matière incarnée ou la fonction incarnée de l'âme un processus de vitalisation des différentes formes astrales qui font partie de la mémoire de l'âme puis de la mémoire de la race pour créer sur la Terre une expérience de l'âme pour qu'elle évolue. Mm-hmm. Ouais. Un jour, il va falloir que comment ça va se faire? Bien, l'homme va commencer à voir ses plans, puis il va voir ses plans, tandis que là, on voit sur le plan matériel, on voit des chaises, puis on voit du monde. Puis un jour, on va regarder à côté, puis il y a d'autres choses, puis on va regarder là, qu'il y a d'autres choses, puis on va regarder n'importe où, puis voir d'autres choses. On va trouver la Terre pas mal habitée. À ce moment-là, on va trouver la Terre pas mal habitante. Oui, ça vient... J'essaie de comprendre, alors, le fait que quand on se conscientise, on est supposé améliorer notre vie. Puis que quand on commence à voir tout ce qu'il y a de l'autre bord, ça dit que ça n'a pas l'air d'être drôle. T'sais, dans le sens que ça nous fait beaucoup de choses à manager. Si vous vous occupiez moins de l'autre bord, vous vous occupiez plus d'ici. On ne verrait plus rien de l'autre bord. C'est pas l'autre. Quand t'es ici, c'est ici. Tu vas aller l'autre bord. Quand tu vas l'autre bord, tu t'étends sur ton lit, tu t'en vas l'autre bord. Ouais. Mais quand t'es ici, t'as travaillé chez Eton, t'as occupé de tes petits, tu restes ici, tu t'occupes de tes affaires ici. Mm-hmm. Mais le monde, il mélange ici puis l'autre bord. Fait quand tu mélanges ici puis l'autre bord, ça te magnétise. Fait qu'automatiquement, tu t'intéresses plus ici. Fait que tu finis sur l'assurance chômage. L'assurance chômage. C'est une autre chose que j'haïs de l'ésotérisme puis les sciences spirituelles. La première chose que tu sais, le gars, il a une belle job, il est ingénieur, la première chose que tu sais, il fait une évolution spirituelle, la première chose que tu sais, c'est le chômage. Mm-hmm. C'est une contradiction en termes, c'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que l'homme se fait astraliser par sa spiritualité. Il perd son équilibre. Il perd automatiquement son équilibre. Qu'est-ce qui se passe pour perdre cet équilibre-là? Qu'est-ce qui peut se produire pour que l'individu... Il connaît pas les lois de la pensée, il connaît pas les lois du mensonge cosmique, il réalise pas qu'une fois que tu rentres en contact avec des entités, ils commencent à te magnétiser. Ils te magnétisent. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner de la voyage. Ils vont dire, bon, ta belle-mère, elle va mourir mercredi à 10h30. Tu vois, belle-mère qui meurt. Une fois que tu as dit ça, c'est fait, t'es fait, t'es fini. Après ça, ils vont dire, bon, ben là, ta belle-mère, on t'avait dit que ta belle-mère mourait la semaine prochaine à 10h30, là, elle est morte. Là, on dit, bon, ben, prends 50 000 piastres que ta grand-mère t'a laissé dans ton compte, mais va-t'en au casino à Montréal, tu vas gagner. Le gars, il part, puis il perd tout ton argent. Son chien de même, en voulant dire, quand tu vas être intelligent, tu vas comprendre. Que c'est strictement dans la vibration. Que c'est strictement dans la vibration, c'est pas dans le fort. Mm-hmm. Moi, j'en ai un contact, puis j'en ai trop de contacts. Puis tu me dirais, il me dirait demain matin, ben va-t'en là, au casino à Montréal, là, tu vas gagner. Je dis, tu vas aller chier, toi. J'irai quand je voudrais, puis mec, j'ai hâte, m'a gagné. Comment vous pouvez marier conscience vibratoire avec information? Tu peux pas. Conscience vibratoire, c'est absolu. Information, c'est de la manipulation. Okay. Puis il m'a dit une chose, puis ça, c'est vrai, Tigui. L'homme peut être manipulé par les plus hautes hiérarchies du mental, puis dans l'architecture du mental, il y a des covenants qui sont tellement stricts que même les éternels n'en connaissent pas le code. Il y a des mots, il y a des paroles qui sont tellement occultes dans le covenant du mental qu'un homme qui le vibrerait, automatiquement, il passe au plan éthérique, puis il est obligé de mourir dans sa conscience cellulaire, puis son corps, il passerait instantanément à une autre dimension. Fait que mais ça, c'est des choses, faut que l'homme par lui-même sache. L'homme doit devenir un scientiste de la lumière. Puis devenir un scientiste de la lumière, ça veut dire être capable de contrôler son rayon, qui fait partie de sa lumière, mais le contrôler, puis pour qu'il le contrôle, il faut pas qu'il ait de mémoire. Puis pas avoir de mémoire, ça veut dire il faut pas qu'il soit connecté à ce qu'on appelle la science spirituelle, qui fait partie de son incarnation, puis il faut pas qu'il soit connecté à son karma planétaire. Ça veut dire il faut qu'il ait une conscience intégrale. Puis une fois qu'il a conscience intégrale, il est capable de dealer avec ces différentes formes ou niveaux de formation ou d'information-là, puis pas être affecté. C'est ça que j'appelle la conscience involutive. Comment on peut amener... C'est l'homme qui doit déterminer son avenir. L'homme a voulu déterminer son avenir sur la Terre au niveau psychologique, politique, religieux, scientifique. L'homme, demain, déterminera son avenir au niveau occulte. Puis quand il déterminera son avenir au niveau occulte, l'homme sera un être de lumière, il sera un être qui travaillera, il fera partie d'une régence planétaire, et il sera capable de rencontrer des entités dans des mondes qui sont totalement merveilleux, mais à ce moment-là, il sera plus la queue du singe. Il sera plus une créature du bon Dieu. Il sera plus un petit cul en culotte courte. Il sera plus un petit être humain planétaire qui est totalement numéroté des archives de l'astral. Il sera plus un être pour lequel on n'a même pas dans le solaire local qu'on n'a même pas l'intention et le vouloir de reposséder. Tu sais, on parle d'initiation solaire. Tu parles à eux autres en haut. Ils n'ont pas l'intention de nous reposséder. Dans le sens qu'ils n'ont pas l'intention de revenir en contact avec nous autres par les voies anciennes. Ils ont simplement l'intention que nous autres, on retourne à eux autres en ayant compris qu'on ne peut pas les spiritualiser. On ne peut pas spiritualiser notre relation avec nous autres. On doit renverser le principe de l'amour que le Christ a donné à l'humanité pour les hommes afin de s'affranchir par rapport à eux autres de ce qu'on appelle notre karma. Fait que, tu sais, tu peux en faire des conférences, puis blablabla. Ça arrête pas. Puis ça arrêtera pas un jour, parce qu'un jour, l'homme va prendre le contrôle de son rayon. Mais c'est pas eux autres, c'est pas... L'homme, un jour, il va comprendre que la connaissance, ce n'est pas ésotérique. Ça, c'est intéressant. La connaissance, c'est vibratoire. La science, c'est vibratoire. Et ça devient conséquemment ésotérique parce que l'homme la spiritualise, la réfléchit et se l'approprie en tant qu'ego pour devenir ci ou pour devenir ça. C'est totalement vibratoire. Ça, c'est comme un gars qui travaille sur la rue qui casse une roche. Tu sais, les gars qui cassent la roche, la ville de Montréal, ils ont une machine puis ils cassent la roche puis ils cassent la roche. L'homme va casser la roche de la pensée. Puis ça devient facile un jour quand tu contrôles le rayon, c'est facile, c'est comme un laser. Quelqu'un te pose une question, c'est quoi ça, c'est ça. C'est quoi ça, c'est ça. Fait que, mais pour que l'homme soit capable de le faire, faut qu'il soit réellement intégré dans son énergie. Sans ça, il va avoir une déviation. Il sera pas capable de dire que telle affaire, c'est telle affaire, que telle affaire, c'est telle affaire, parce que les forces astrales spirituelles vont l'empêcher. Right? Bernard, Peux-tu l'avoir un petit moment? Oui. L'accès à la parole, Bernard, pour être capable justement de mettre en vibration cet état mental-là qu'on a. Vous, vous parlez quand vous êtes en vibration. Les gens, en général, pensent, ils réfléchissent. Pour pouvoir savoir les choses, il faut généralement les exprimer, les parler, les vibrer. Bon, comment on peut faire comprendre un individu qui a accès à parler dans les registres dont vous parlez? Bon, faut-tu apprendre à dire n'importe quoi? C'est-tu ça se dépasser le vide? C'est-tu ça se lancer dans le vide? Commencer à parler sur n'importe quoi? N'importe comment. Je sais pas que vous êtes n'importe quoi. Ça n'existe pas de dire n'importe quoi. Mm-hmm. Fait que si tu prends une petite femme dans la salle, tu dis viens ici, parler, si elle parle, elle dit gotcha. Ça n'existe pas de dire n'importe quoi. Tu dis toujours gotcha. Ça peut pas être bien, bien éclairé, ça peut pas être bien défini, ça peut pas être bien intelligemment placé, mais tu dis gotcha. Mais si la personne elle vient dans la salle, puis elle parle, puis elle fait son brrrr, elle dit son n'importe quoi, ce qui apparaît être un n'importe quoi. Puis tu dis, oh, c'est intéressant ça. Ça veut dire ça, ça. À ce moment-là, ben, elle va prendre confiance dans son n'importe quoi. Mm-hmm. Puis après ça, il y a une autre session, puis tu dis, bon, ben, vas-y, parle. Fait qu'éventuellement, elle va s'habituer à parler. Puis un jour, ce qui va arriver, c'est qu'elle va être tellement habituée à parler, elle va être tellement confiante, autrement dit, elle va commencer à contrôler ses rayons, que là, elle va commencer à dire quelque chose qui est réellement utile, qui peut être rendu public, qui peut être écrit, qui peut être diffusé dans le monde. Fait que dire n'importe quoi, ça n'existe pas. Puis ça a été une déformation de notre système d'éducation de penser que nos enfants disaient n'importe quoi, que nous autres, on disait n'importe quoi. Fait que nos parents disaient, ben, tu dis n'importe quoi. Il n'y a personne qui dit n'importe quoi. Même un enfant, quand ça pète, ça dit quelque chose. Ça n'existe pas, dire n'importe quoi. Tu dis toujours quelque chose. C'est vrai qu'on n'était pas assez intelligents, nous autres, pour regarder dans n'importe quoi. Si on avait été intelligents pour regarder dans n'importe quoi, on se serait aperçu qu'il y a bien du monde dans notre vie qui disait des choses à tous les jours. Puis, hop, il y avait quelque chose dedans, mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que pour nous autres, c'est n'importe quoi. Comme je dis souvent à ma femme, un être conscient, ça parle pas pour rien. Moi, je m'écoute parler tout le temps. Puis je me watch. Ça fait-tu mon affaire, ce que je dis? Ça fait pas mon affaire, ce que je dis. Là, je vais par en-dedans. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Ils vont dire, c'est ça. Ah, oh, ben, j'ai dit, parle-moi pas de main. Comprends-tu? Fait que, il vient qu'à un point que quand tu parles, tu te watch. Fait que, tu te watch. Moi, faut que je me watch quand je parle. Faut que ça fasse mon affaire quand je parle. Fait que si ça fait pas mon affaire quand je parle, là, je l'ajuste. Je m'en vais par en-dedans. Je leur tasse le cul, puis là, je leur dis d'une autre façon. Bon, faut que ça fasse mon affaire. Sans ça, c'est être manipulé. Comprends? Pourriez-vous présentement dire quelque chose qui ne fait pas votre affaire, que vous pourriez corriger? Mais là, je suis trop loin là-dedans. Là, je suis plus capable. Là, ce que je dis... Ben, pour répondre à votre question, là, ce que je fais, c'est que je me contiens. Autrement dit, je vous bardasse pas trop dans les salles. C'est parce que si je me laissais aller là à dire ce que je veux là, ben je vous créerais des chars. Je ferais de la voyance à elle, je ferais de la voyance à lui, puis je vous brasserais là. Mais je veux pas faire ça parce que c'est pas ma job. C'est pas à moi de faire ça. Je suis tanné de faire ça. Fait que je me contiens. Des fois, je deviens un petit peu plus vibrant, là. Mais chaque fois que je le fais, quand je parle, je suis toujours en guerre contre ça. Moi, parler, c'est être en guerre contre l'invisible. C'est pour ça que je parle si bien, parce que je fais la guerre au bout. C'est la seule raison, Antigui. Je fais la guerre. Je suis où la guerre? Est-ce que la... Même dans n'importe quoi, je fais la guerre. Oui, ça je sais. Mais la parole pour vous, Bernard, est-ce que c'est des balles, c'est un canon, c'est quoi? C'est tout le phénomène de la parole. La parole pour moi, c'est une guerre contre ces deux mondes-là. Mm-hmm. C'est une guerre contre les entités dans le monde de l'astral qui m'aiment pas trop. Puis c'est une mise en garde contre les entités dans le haut monde spirituel qui m'haïssent pas trop, mais qui connaissent pas trop les conséquences de tout ça. Parce qu'il va venir un point ici, quand ces entités-là auront plus de contrôle sur l'âme, parce que l'âme va être trop conscient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu fais quand tu perds ta job? Fait qu'ils vont faire qu'elle a l'air. Ils vont faire qu'elle sur d'autres planètes. Ils vont faire qu'elle sur d'autres plans, ainsi de suite. Ils sont pas intéressés. Tu sais, quand t'as un maître qui est ici en haut, là, mm-hmm. Il est pas intéressé d'avoir un petit cul ici de sa tête, un corps, puis un saut, puis des bottines, là, de se faire dire la loi. Puis c'est là que ça est trop. Antigui? Ben, ça marche. Puis ils ont pas le choix. C'est parce que la fusion, ça fait partie de l'évolution cosmique. Mm-hmm. Puis l'évolution cosmique, ça veut dire qu'éventuellement, ce qu'on appelle les êtres de lumière, c'est-à-dire les grands rayons de la création, ces êtres-là, éventuellement, faut qu'ils connectent avec ce qui est le plus bas en vibration pour élever la vibration du nouvel local. Fait que eux autres, ici, que ce soit des grands maîtres spirituels ou que ce soit des entités ici, à différents niveaux, sont obligés de suivre la parade, puis ils n'ont pas le choix. C'est ça que j'aime, moi, c'est ça que j'aime de l'homme. C'est qu'une fois que l'homme est en conscience intégrale et qu'il contrôle son rayon, eux autres, ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas une affaire de fermer le radio. T'sais? Moi, quand je fais des conférences, des fois, il y a des entités astrales qui sont assis, qui prennent des notes. Quand ils se retournent chez eux, ils en parlent. Fait que le monde ici, qui sont dans l'invisible, ils sont obligés d'écouter. Ils sont obligés d'écouter. Puis pourquoi ils sont obligés d'écouter? Parce que c'est vibratoire. Pour eux autres, tout ce qui est énergie, c'est vivant. C'est comme nous autres, ce qui est solide, c'est vivant. On reconnaît le solide à cause de notre corps astral. Tout ce qui est énergie au niveau de la parole, pour eux autres, c'est vibrant. Fait que l'homme va leur rendre un grand, grand service. Puis au coup, après la sixième race racine, puis après, quand la septième race racine va être finie, puis l'homme va commencer son évolution jupitérienne. Toute cette gang de monde-là, qui ont servi pendant l'évolution pour le développement de l'homme sur la Terre, ils vont changer de place dans le cosmos, puis ils vont aller évoluer sur d'autres planètes, puis éventuellement, ils vont vivre aussi la fusion, parce que la fusion va se vivre universellement dans l'univers local. C'est inévitable, parce qu'un être peut pas... la conscience peut pas arrêter de se développer. Mais l'accès au pouvoir de la parole dans les registres d'une conscience vibratoire, ça se passe comment, ça, exactement? Le pouvoir de la parole, c'est un mot, ça, le pouvoir de la parole. La parole, dépendant son taux vibratoire, a accès à des mondes particuliers. Fait que c'est ça, le pouvoir de la parole. Fait que c'est le taux vibratoire, mais ça dépend toujours de la capacité de l'homme de contrôler son rayon. Si l'homme contrôle son rayon, il a accès à des mondes parallèles. Ça, c'est ce que vous appelez, vous, le pouvoir de la parole. C'est ce qui donne à l'homme la capacité de faire de la communication directe avec ces plans-là, puis de les forcer à l'écoute, de les forcer à répondre, de les forcer à étudier, puis de les forcer à regarder leur situation. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un mort et un humain sur le plan matériel. La seule différence, c'est le corps matériel. Mais ça, c'est pas une différence. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est comment l'individu peut arriver avec la parole à commander à ces forces-là? C'est intéressant, cette question-là. Je suis pas capable d'y répondre tout de suite. C'est quoi la réponse à ça, Tigui? Comment est-ce que l'individu qui a la parole est capable de commander à ces forces-là? C'est quoi la réponse à ça? C'est important de commander à ces forces-là. C'est important de sentir l'origine, de l'énergie. Est-ce que tu sens par l'évolution de l'homme qui est en cause dans l'autre triangle de ton humanité? Ben non. C'est ça. Ils me disent en anglais, repeat after me. Ça veut dire? C'est intéressant. Fait que, pour vous faire comprendre quelque chose, bon, t'as deux hommes, t'as Tigui pis t'as moi. Bon. Ouais. Puis là, j'ai parlé toute la soirée, là. Bon, je réponds à vos questions. Tout d'un coup, je suis plus capable. OK. Fait qu'il passe la balle à Tigui, c'est à Tigui. C'est ça. C'est de même que l'homme doit être. Il n'y a pas un homme, ça n'existe pas qu'un homme est plus intelligent que l'autre. L'homme a accès à de la connaissance, il a accès à la vibration. Fait qu'à ce moment-là, s'ils ne veulent plus parler à travers un canal, Ils vont parler à travers l'autre canal. Fait que quand ils pourront parler à travers tous les hommes, quand la lumière sera dans tous les hommes, l'homme n'aura plus besoin de corps matériel. Il passera à l'évolution jupitérienne. Mm-hmm. Conscience éthérique. Ainsi de suite. C'est intéressant, ça. Puis quand je dis que je ne pouvais pas répondre à la question, je n'étais pas capable. Mm-hmm. Ça veut dire que je ne suis pas capable. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable. Ça veut dire que je ne suis pas capable. Là, je ne suis pas capable. Ça ne vient pas. Fait qu'ils font passer par Tigui. Fait que ça, c'est de savoir du contrôle sur les rayons? Ça fait partie. Ah, ça, c'est intéressant. OK. Puis je vais te donner la réponse. Oui, tu peux me faire une petite colle. Si j'avais voulu, là, casser ça, il aurait fallu que je prenne mon doigt. Okay. Que je prenne un crayon. OK. Parce que quand tu prends ton doigt, là, que tu fasses n'importe quoi, tu peux te gratter ici, c'est 5 vibratoires. Fait que tu fais ça, là, puis là, tu fais descendre la vibration. Okay. Parce qu'il y a deux fonctions, il y a deux façons pour eux autres de communiquer avec l'homme. Ils peuvent communiquer avec l'homme à travers la parole. Donc, à ce moment-là, il a précédence publique. Si c'est moi qui parle, j'ai précédence publique. S'il me parle pas de même, mais je veux savoir qu'est-ce que je pourrais dire, je vais prendre mon crayon, mais j'ai plus de précédence publique. Okay. Mais une fois que je l'ai fait, je l'ai écrit sur la table, je reprends la précédence publique. Parce que j'y ai pas pensé, là. Mais fait que ça a servi à faire à, à, à, à, à, transposer ça à Tigui pour démontrer que les hommes ont accès à la même lumière, mais techniquement, tu peux toujours contrôler le rayon en t'actualisant physiquement. Tu okay. t'actualises physiquement, puis tu vas voir qu'automatiquement, la parole passe, la communication passe, mais tu perds ta précédence publique, puis tu redeviens une précédence privée. Moi, si j'ai des, si tu me posais une question que je pourrais pas dire en public pour pas énerver le monde, mais je pourrais aller chercher la réponse demain. Mm-hmm. Puis je pourrais dire, ben là, je peux pas t'en parler, j'en parlerai plus tard. Okay. Fait que comme ça, ça garde, ça protège l'homme contre des choses qui a pas besoin de savoir, qui sont pas bonnes à savoir, avec lesquelles il travaille.